بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد ceci est la traduction d'une question que j'ai posée à notre cher Cheikh Khalid Othman, Habibahullah, à la fin du cours de son explication du livre Mawahib al-Mannan de Al-Sultan Muhammad al-Alawi, Rahimahullah ta'ala. Cette question portait sur la manière d'étudier et d'enseigner le livre Mawahib al-Mannan. Une question qui fut posée par plusieurs personnes parmi les parents, puisque le livre est destiné à être enseigné aux enfants et aux débutants dans l'étude de la science. Donc, une question qui fut posée par plusieurs parents d'élèves comme plusieurs enseignants. Cher de répondre, Hafidahullah ta'ala. Ceci est la traduction approximative du résumé de ces paroles. Ceci, la manière d'enseigner le livre n'est pas une chose fixe, plutôt elle revient à ce qui convient à l'enfant, aux élèves, ceux qui étudient chez le professeur, concernant le temps qu'ils ont pour étudier ce livre, de même que leur capacité à recevoir les informations, à apprendre. En effet, ceci dépend de la personne, et ceci diffère d'une personne à une autre. Comme cela, Cheikh nous dit qu'il ne peut pas donner une parole qui sera inévitable, c'est-à-dire de laquelle on ne pourra sortir. Plutôt, Cheikh nous dit que ce qu'il conseille au père comme à l'enseignant, c'est de lire le livre dans son ensemble, de chercher à le comprendre, ceci en recherchant à comprendre les points qui lui posent problème, comme ces points que lui-même, Habibullah, explique dans son commentaire, de chercher à comprendre ce qui fait rapporter dans ce livre, de chercher à faire la différence entre les ahadiths qui sont rapportés, qui sont authentiques, et ceux qui ne le sont pas, ou de faire la distinction entre une parole qui serait faible, rapportée dans le livre, ou un mot dont il aurait besoin de rechercher le sens. Ceci pour lui-même, avant de commencer à enseigner et à expliquer ce livre à autrui. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.